Chapitre 4. Quelle mauvaise nouvelle lui apportait-on? Ce fut la question que Madame Adeline, troublée, se posa, mais qu'elle eut la force, cependant, de retenir pour elle. Bien qu'elle n'eût aucune raison de se méfier de M. Heck, qu'elle savait droit en affaires, brave homme et bon homme dans les relations de la vie, elle avait été si souvent, en ces derniers temps, frappée de coups qui s'abattaient sur elle à l'improviste et tombaient précisément d'où on n'aurait pas dû les attendre, qu'elle se tenait toujours, et avec tous, sur ses gardes, inquiète et craintive. Dans la ville, on disait que les Heck et Debs tentaient depuis longtemps des essais pour fabriquer la nouveauté mécaniquement et en grand, comme ils fabriquaient le Dralis. Était-ce là la cause de cette visite étrange? Dans ces Alsaciens ingénieux qui savaient si bien s'outiller et qui réussissaient quand tant d'autres échouaient, allaient-elles rencontrer des concurrents qui rendraient plus difficile encore la marche de ces affaires? Était-ce un danger menaçant leur maison, ou la situation politique de son mari qu'il venait lui signaler dans un sentiment de bienveillance amicale? De quelque côté que courût sa pensée, elle ne voyait que le mauvais sans admettre le bon ou l'heureux, et ce qui augmentait son trouble, c'était de voir l'embarras qui se lisait clairement sur cette physionomie ordinairement ouverte et gaie. Elle s'était assise en face de lui, le regardant, l'examinant, et elle attendait qu'il commençât. Ce qu'il avait à dire était donc bien difficile. Enfin, il se décida. Quand nous nous sommes expatriés pour venir à Elpeuf, nous n'avons pas trouvé ici tout le monde bien disposé à nous recevoir. On disait, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Nous n'avons pas besoin d'eux. Monsieur Ateline n'a pas été parmi ceux-là. Au contraire, il n'a obéi qu'à un sentiment patriotique pour les exilés et aussi pour sa ville où nous apportions du travail. Et cela, madame, nous a été au cœur, tant la position où nous étions quittant notre pays et recommençant la vie à un âge où beaucoup ne pensent plus qu'au repos, nous avons été heureux de trouver une main loyalement offerte. Ces paroles n'indiquaient rien de mauvais. L'inquiétude de Madame Adeline se détendit. Quand l'année dernière, continua M. Heck, nous avons eu le chagrin de perdre mon beau-frère, Debs, nous avons encore retrouvé M. Adeline. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là et comment des gens se sont récusés pour ne pas lui faire des funérailles convenables. On disait, quel besoin d'honorer ce juif qui est venu nous faire concurrence. Toutes sortes de mauvais sentiments s'étaient élevés contre le juif autant que contre le fabricant, et ceux-là même qui auraient dû se mettre en avant se sont mis en arrière. M. Ateline était alors à Paris, retenu par les travaux de la chambre, et il pouvait très bien y rester s'il avait voulu. Mais à faire titre ce qui se passait ici, peut-être même, est-ce par vous, madame? Il est vrai que je lui ai écrit. M. Heck se leva, et avec une émotion grave, il salua respectueusement. J'aime à savoir, comme je m'en doutais, que c'est fou. Enfin, Afferty, il a quitté Paris, et sur cette tombe, lui député, il n'a pas craint de dire ce qu'il pensait d'un honnête homme qui avait apporté ici une industrie faisant vivre plus de 1000 personnes, dans une ville où il y a tant de misère, et pour cela il a trouvé des paroles qui retentissent toujours dans notre cœur, le mien et celui de tous les membres de notre famille. Il fit une pause, ému bien manifestement par ses souvenirs, puis reprenant. « Ne vous demandez pas, madame, pourquoi je rappelle cela. Vous allez le savoir. C'est pour vous le dire que je vous ai demandé ce moment d'entretien particulier. Après ces explications, vous comprenez quelle estime nous avons pour M. Ateline et tant quel terme nous parlons de lui, ma mère, ma sœur, ma femme, mes fils, mes neveux et moi-même. Il n'est personne à Elpeuf pour qui nous avons autant d'estime, et permettez-moi le mot, autant d'amitié. Ce qui vous touche nous intéresse, et bien souvent nous nous sommes réjouis en apprenant une bonne affaire pour vous, comme nous nous sommes affligés en apprenant une mauvaise, ainsi celle de ces bouteillers. » Peu à peu, Madame Adeline s'était rassurée. Tout cela était dit avec une bonhomie et une sympathie si évidentes que son inquiétude devait se calmer, comme elle s'était en effet calmée. Mais à ces derniers mots, qui semblaient une entrée en matière pour une question d'argent, ses craintes la reprirent. Ces protestations de sympathie et d'amitié qui se manifestaient avec si peu d'à-propos n'allaient-elles pas aboutir à une conclusion cruelle que M. Heck, qui n'était pas un méchant homme, avait voulu adoucir en la préparant? C'était le terrible de sa situation de voir partout le danger. « Certainement, continua M. Heck, il n'y a pas besoin d'être dans des conditions particulières pour être charmé en voyant Mademoiselle Perthe. C'est une bien jolie personne qui sera la fille de sa mère, et un jeune homme, alors même qu'il ne connaît pas sa famille, ne peut pas ne pas être séduit par elle, mais combien plus fortement doit-il l'être quand il partage les sentiments que je viens de vous exprimer. C'est justement le cas de mon petit Michel. Je dis petit parce que je l'ai vu tout petit, mais c'est en réalité un sage garçon plein de sens, un travailleur qui nous rend les plus grands services dans notre fabrique, et qui est bien le caractère le plus aimable, le plus facile, le plus affectueux, le plus égal que je connaisse. Enfin bref, il aime Mademoiselle Perthe, et je vous demande pour lui la main de votre fille. » Bien des fois, et depuis longtemps déjà, Madame Adeline avait marié sa fille, choisissant son gendre très haut, alors que leurs affaires étaient en pleine prospérité, descendant un peu quand cette prospérité avait décliné, baissant à mesure qu'elles avaient baissé, mais jamais elle n'avait eu l'idée de Michel Debs. Un juif ! Sa surprise fut si vive que M. Heck, qui l'observait, en fut frappé. « Je vois, dit-il, que vous pensez à Madame Adeline Mère, qui est une personne si rigoureuse dans sa religion. Nous aussi, nous savons notre mère, qui pour notre religion n'est pas moins rigoureuse que la vôtre. C'est ce que j'ai dit à mon buddy Michel quand il m'a parlé de ce mariage. Et ta grand-mère, et la grand-mère de Mademoiselle Perthe, hein ?» Justement, après être revenue un peu de son étourdissement, c'était à ses grand-mères qu'elle pensait, à celle de Berthe et à celle de Michel. De celle-ci, que personne ne voyait parce qu'elle vivait cloîtrée comme une femme d'Orient, tout le monde racontait des histoires que le mystère et l'inconnu rendaient effrayantes. Que n'exigerait-elle pas de sa bru, cette vieille femme soumise aux pratiques les plus étroites de sa religion? De quel œil regarderait-elle une chrétienne à sa table? Elle qui ne mangeait que de la viande pure, c'est-à-dire saignée par un sacrificateur, ouvrier alsacien versé dans les rites, qu'elle avait fait venir exprès. Bien qu'elle n'eût ni le temps ni le goût d'écouter les bavardages qui couraient la ville, Madame Adeline n'avait pas pu ne pas retenir quelques-unes des bizarreries qu'on attribuait à cette vieille juive et ne pas en être frappée. Avant l'arrivée des Heck et des Debs à Elbeuf, on s'occupait peu des usages des juifs. Mais du jour où cette vieille femme s'était installée dans sa maison, son rigorisme l'avait imposée à la curiosité et aussi à la critique. C'était monnaie courante de la conversation de raconter qu'elle se faisait apporter le gibier vivant pour que son sacrificateur le saignât, qu'elle ne mangeait pas des poissons sans écailles, qu'on faisait traire son lait directement de la vache dans un pot lui appartenant, qu'elle avait une vaisselle pour le gras, une autre pour le maigre, que le poisson seul pouvait être arrangé au beurre, à l'huile ou à la graisse, que dans les repas où il était servi de la viande, elle ne mangeait ni fromage, ni laitage, ni gâteau, qu'on préparait sa nourriture le vendredi pour le samedi, et comme ce jour-là, les Israélites ne doivent pas toucher au feu, on mettait une plaque de fer sur des braises, et sur cette plaque on plaçait le vase contenant les mets tout cuits, ce vase ne pouvant être pris que par des mains juives. Enfin que ses cheveux coupés étaient recouverts d'un bandeau de velours et qu'elle obligeait sa fille et sa belle-fille à ne pas laisser pousser leurs cheveux. Sans doute y avait-il dans tout cela des exagérations, mais le vrai n'indiquait-il pas un rigorisme de pratique religieuse peu encourageant? Elle le connaissait, ce rigorisme dans la foi, depuis 20 ans qu'elle en avait trop souffert auprès de sa belle-mère pour vouloir y exposer sa fille. Et puis, femme d'un juif, si bien dégagée qu'elle fût de certains préjugés, elle ne l'était point encore de celui-là. Aucune jeune fille de sa connaissance et dans son monde n'avait épousé un juif. Cela ne se faisait pas à Elbeuf. Mais M. Heck ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Il continuait. « Bien entendu, Michel n'a jamais entretenu Mademoiselle Perthe de son amour. C'est un honnête homme, un galant homme. Croyez-le, Madame Adeline. Je ne dis pas que ses yeux n'aient pas barlé, mais ses lèvres ne se sont pas ouvertes. Peut-être sait-elle cependant qu'elle est aimée, car les jeunes filles sont bien fines pour deviner ces choses, mais elle ne le sait pas par des paroles formelles. Michel a voulu qu'avant tout les familles fussent d'accord, et c'est là ce qui m'amène chez vous. J'espérais trouver monsieur Ateline, et Michel, qui ne manque pas les occasions où il peut voir mademoiselle Perthe, a tenu à m'accompagner, bien que cela ne soit peut-être pas très convenable. Le hasard a voulu que monsieur Ateline fût absent, et j'en suis heureux, puisque j'ai pu vous adresser ma demande. En ces circonstances, une mère vaut mieux qu'un père. Vous la transmettrez à monsieur Ateline, et si vous le jugez bon, à mademoiselle Perthe. Pour Michel, je vous prie d'insister sur son amour. C'est sincèrement, c'est tendrement qu'il aime, et pour lui, ce n'est pas un mariage de convenance, c'est un mariage d'inclination. Pour moi, je vous prie d'insister sur l'honneur que nous attachons à unir notre famille à la vôtre. Je veux vous parler franchement, à cœur ouvert. Je n'ai pas d'ambition et ne recherche pas une alliance avec monsieur Ateline parce qu'il est député et sera un jour ou l'autre ministre. Je suis décoré et n'ai rien à attendre du gouvernement. Quant à la situation de nos affaires, elle est bonne. Là où d'autres perdent de l'argent, nous en gagnons. Les inventaires vous le prouveront. Quand nous pourrons vous les communiquer, vous verrez qu'elle est bonne. » Il se frotta les mains. « Elle est bonne, elle est bonne. La maison Heckedeb s'est organisée pour bien marcher. Elle marchera, elle durera tant qu'il y aura un Heck, tant qu'il y aura un Debs pour la soutenir. Et je ne crois pas que la graine en manque de sitôt. Donc ce que nous cherchons uniquement dans ce mariage, c'est l'honneur d'être de votre famille. Le père Heck ne fifera pas toujours. Les fils, les neveux le remplaceront. Et alors, est-ce que ce serait une mauvaise raison sociale? Heckedeb, Adeline? La vieille maison continuerait, le vieil arbre repousserait, avec des rameaux nouveaux, les enfants de Michel seraient des Ateline. » Sur ce mot, il se leva. « Vous n'attendez pas mon mari ? » demanda madame Adeline. « Non, je remets notre cause entre vos mains. Elle sera mieux blédée que je ne la bléderai moi-même. » Ils rentrèrent dans le bureau, où ils trouvèrent Léonie, la figure épanouie par un éclat de rire. « Je vois qu'on s'est amusé, » dit le père Heck. « On a taillé une paune pas faite. »« C'est monsieur Michel qui nous fait rire, » dit Léonie. « Il est bien heureux, Michel, de faire rire les jolies filles. Et qu'est-ce que donc qu'il vous contait ?»« Il nous apprenait pourquoi les Carthaginois mettaient des gants. Le savez-vous, monsieur Heck ?»« Ma foi, non, mademoiselle. De mon temps, les sciences historiques n'étaient pas aussi avancées que maintenant, et nous ne savions pas que les Carthaginois se gantaient. » Il se gantait parce qu'il craignait les Romains. « Ah, vraiment ?» dit le père Heck qui n'avait pas compris. « Pardonnez-moi, madame, » dit Michel en s'adressant avec un sourire d'excuse à madame Adeline. « Mademoiselle Léonie faisait un devoir sur Hannibal qui ne l'amusait pas beaucoup. J'ai voulu l'égayer. Je crois que maintenant elle n'oubliera plus Hannibal. »« Monsieur Michel s'est trouvé un mot agréable pour chacun, » dit la maman. Madame Adeline regardait sa fille dans les yeux, et à leur éclat, il était évident que pour Berthe aussi, Michel avait trouvé quelque chose d'agréable. Mais à coup sûr, de moins enfantin que pour Léonie. L'aimait-elle donc ?